Sur Fun Radio, ça y est, vendredi, on l'a fait, les copains. Et ouais. Ah, franchement, le vendredi, je sais pas vous, mais. Moi, c'est mon jour préféré. Ouais, il y a une sensation, il y a un truc qui est différent, tu vois, c'est pas comme tous les autres non, jours. Ça s'appelle le week-end. Ouais, c'est cool. J'espère que vous êtes déjà en week-end. Si vous êtes encore en boulot, bah courage, hein, ça doit être la dernière ligne droite là, avant de pouvoir profiter de samedi et dimanche tranquillou. Est-ce que l'équipe va bien, Fab? Oui. Ouais. Oui, parce que c'est le week-end. Ah bah oui, tu m'étonnes, Sandro. Oui, oui, parce que c'est le week-end et on va se débarrasser de Fab. Ouais! Ah non, bah non en fait, non. Pourquoi? En fait, parce que je viens de penser à un truc, c'est qu'on va se voir ce week-end. Hein, oui. Ah bah oui, on sera à la Doc Pool Party ce dimanche. Ah, il vient aussi. Du côté du Doc Center de Charleroi, ouais, toute l'équipe de la Power sera là avec tous les auditeurs qui ont gagné leur place pour venir faire la fête avec nous à la première Doc Pool Party de Belgique, quoi, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est en train d'écrire l'histoire. C'est la classe. Il y aura toute l'équipe qui sera là et d'ailleurs, on aura encore des places à vous filer pour cette Doc Pool Party dans un instant. Le standard est là aussi, hein, Alison et François, ça va? Coucou. Les copains. Salut. Alors, comment on fait pour vous joindre, Ali, le numéro? Ah bah c'est facile, 02 851 4x0 ou par message au 3044. Voilà, dites-nous comment ça se passe, vous de l'autre côté de la radio. Un petit message, on prend les présences et puis bah on vous passe à l'antenne, là, juste après les infos. Fun Radio. Fun. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Côté son dance floor, c'est DJ Snake et Justin Bieber que je vous cale pour commencer l'émission. Il y aura aussi du Rihanna dans un instant. Tout ça, c'est ce qui arrive après l'actu avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Pas de conseil des ministres aujourd'hui comme ça aurait dû être le cas. Et c'est du fait qu'il n'y a pas non plus de budget comme ça aurait dû être le cas depuis quelques jours. Mais le CDNV fait son rebelle en exigeant une taxe sur les plus-values, ce qui ne plaît pas aux autres partis de la majorité, bien ancrée à droite. Hier après-midi, le Premier ministre Charles Michel a lancé un appel à surmonter les divisions. Mais je ne sais pas s'il sera entendu, pour ça il faudrait d'abord qu'il soit écouté. Or quand Charles Michel a lancé cet appel au Parlement, Bart De Wever, président de l'NVA, était en train de lire son journal style « cause toujours tu m'intéresses ». Rappelons qu'en principe, ce budget aurait dû être présenté demain au plus tard à la Commission européenne, mais celle-ci a fait savoir que l'échéance pouvait être un petit peu reportée. Pas de choix de toute façon. À propos de l'Europe, on va un petit peu parler de Brexit, donc de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. On ne sait pas encore quand exactement, mais en tout cas, ça n'enchante pas du tout les Écossais qui avaient voté à plus de 60% pour le maintien dans l'Union européenne. La seule possibilité qu'a donc l'Écosse de rester au sein des 28, qui resterait du coup effectivement 28, c'est d'obtenir leur indépendance, donc quitter le Royaume-Uni qui quitte l'Europe pour ne pas avoir à quitter l'Europe. Je crois que c'est très clair. D'où l'annonce faite hier par Nicola Sturgeon, la dirigeante écossaise, de présenter dans quelques jours un nouveau projet de loi pour un référendum d'indépendance. La dernière fois qu'un tel référendum avait eu lieu, le non l'avait emporté à 55%, mais le contexte est évidemment fort différent aujourd'hui. C'est un donné de Tourny. On savait que l'univers était gigantesque, hein, mais on ne savait pas encore à quel point. Ces dernières années, les astronomes pensaient qu'il contenait entre 100 et 200 milliards de galaxies. Une seule galaxie comptant plusieurs centaines de milliards d'étoiles, ça vous donne déjà une petite idée du nombre de planètes qui parsèment notre univers. Ah ben, on était encore très loin du compte, hein, puisque d'après une étude internationale publiée hier, cet univers compte 10 fois plus de galaxies qu'on le croyait, environ 2000 milliards. Et les télescopes actuels ne permettent d'en étudier que 10%. Retour sur notre petite planète qui du coup prend des proportions vraiment très minables avec la 10e journée du championnat de Belgique de football qui débute ce soir par le choc qui motive particulièrement André, je la vois avec un grand sourire, entre le Sporting de Charleroi et le club brugeois. Bah oui, c'est quand même deux des quatre premiers du classement et qui comptent d'ailleurs le même nombre de points. Demain, le Standard sera à Courtrai, Eupen au Westland, et Mouquon accueille Genk. Dimanche, on fait un relais contre le Keren et Zulte Waregem. Le leader se déplace à la Gantoise, pas mal non plus. Fun Radio. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. On fait des coucous à Fred de Fleurus, là, qui est déjà branché dans la PIOR. Il y a Françoise de Marche aussi qui est là. Coucou tout le monde, merci de nous écouter, c'est cool. On va rester ensemble jusqu'à 20h avec plein de surprises dans l'émission. Il y aura du cadeau. Et alors, il faut que je vous explique aussi un truc qui m'arrive sur Facebook. Franchement, c'est la grosse merde, quoi. Je vais vous expliquer tout ça. Après la météo, mon Carlo, est-ce qu'il va faire beau ce week-end? Écoute, bonne nouvelle. Ah, parce qu'il y a la dog pool party d'abord, hein, dimanche. D'abord, on n'a pas de maladie grave. D'accord, ok. À part toi. Oui. Et pour le reste, effectivement, ce week-end, il va faire beau. Ah, jusqu'à cool. 10 à 18 degrés demain, jusqu'à plus de 20 degrés dimanche, tout sous bon le faire. Soleil. Hein, c'est ce jour-là que vous allez. Bah voilà. Vraiment, vous êtes bénis des dieux, les gars. Cool. Enfin, je dis vous parce que moi, je suis pas invité. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je laisse avec Audrey et le son de DJ Snake et Justin Bieber. Salut. Fun. Fun Radio. Échappez au frima de l'automne avec Ryanair et évadez-vous à partir de 19,99€ l'aller simple. Ryanair, low fares made simple. Disponibilité limitée, consultez ryanair.com. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. I used to believe we were burning on the something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Morning sur Fun Radio, la suite du son d'Explore, c'est avec Cheat Codes que ça se passe. C'est bon, Let Me Hold You qui arrive. Il y aura aussi Rihanna dans un instant. Bon, avant ça, faut que je vous parle d'un truc qui m'arrive là, les copains. Sérieusement, je vais avoir besoin de tous les auditeurs qui sont à l'écoute de l'émission parce que, franchement, c'est la grosse galère sur Facebook. T'as trop d'amis ? Non, non. Alors, vous avez pas vu les faux comptes qui ont été créés avec mon nom ? Quoi ? Alors, sur Facebook, il y a eu Audrey Happy Hour, Audrey Fun Radio. Sur Instagram, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi aussi, qui a mis Audrey Fun Radio. Alors, ah, limite... c'est pas toi ? Non, c'est pas moi. Alors... Parce que ça fait 5 ans que je te suis. Hein. Non, non. Les seuls vrais comptes avec, où c'est moi qui gère derrière, c'est Happy Hour et Audrey tout court. Il n'y a pas de... voilà. Mais moi, je viens de gagner un iPhone 7. Alors, mais justement... Pour la modique somme de 300 euros que j'ai dû envoyer en message. Mais rigole pas, non, mais sérieux, parce qu'on fait des cons et tout. Mais vraiment, je voudrais avertir tous les auditeurs qui écoutent l'Happy Hour. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les bons comptes. Et je ne sais pas du tout comment je peux faire. Parce que le problème, c'est qu'il y a des auditeurs qui y ont cru. Le gars, il a fait croire que les auditeurs avaient gagné un iPhone, qu'il fallait envoyer l'adresse. Les gens l'ont fait, ils pensaient que c'était moi. Oh. Et derrière, il a demandé d'envoyer un code sur un numéro pour valider le cadeau. Bah alors, oh là ils ont cru que c'était pas de l'arnaque, ils l'ont fait. Et il y a un auditeur, je vous jure, ça me fait pas rire, ça m'énerve, je suis en colère de dingue. 300 euros, il a eu en moins sur sa facture de téléphone. Oh. Enfin, en plus, du coup. Parce que justement, il a envoyé le message, quoi. Je suis dégoûtée, sérieusement. Fab, rends l'argent, s'il te plaît. Non, mais allez, sérieusement. Vous savez quoi, on a signalé le compte. On s'y est mis tous. Facebook a répondu, ils ont dit, ouais, vous avez raison, mais le compte est toujours là. Je suis allée voir à la police, ils m'ont dit, non, mais on peut pas porter plainte. On comprend pas Facebook. Non, mais c'est ça, mais alors, je sais pas. Alors, peut-être que vous avez déjà eu le coup de l'autre côté de la radio. Comment il faut faire dans ces cas-là? 30-44 pour vos petits messages, 50 centimes l'envoi. Je ne sais pas comment m'y prendre. Sérieusement, je suis en flip de dingue. J'ai trop peur que le gars il continue à arnaquer les auditeurs, quoi. C'est quand même un truc de fou, ça. Mais si tu signales, il bloque pas. Non, non. Tout le monde a signalé. Même j'ai mis sur ma page Audrey et sur la page Happy Hour, c'est la page de l'émission de Fun Radio. Et ben tout le monde a signalé. Le Facebook en question, il est toujours là. C'est Audrey Happy Hour et Audrey Fun Radio. Les deux sont là et le gars continue à arnaquer les gens. Donc vraiment, ça me saoule. Donc si vous êtes à l'écoute de l'émission, sincèrement, je compte un peu sur vous là pour le coup pour savoir comment il faut faire dans ces cas-là. Moi je suis un peu paumée. Donc 30-44, si vous avez une petite solution, ça serait cool. Et puis comme ça on règle l'histoire, quoi. Allez, c'est pas cool franchement arnaquer les gens. Il y a des gens qui ont que ça à faire, hein, sérieux. Bah, on appelle Marc. Marc Zuckerberg. On appelle Ménon. Ouais, mais il est en plein barbecue là, j'ai vu, il a posté ça sur son profil. Alors dommage, je pense que le gars il s'en fout un peu de ce qui se passe dans notre live, tu vois ce que je veux dire. Donc si vous avez une solution pour nous, ce serait cool. On vous prend à l'antenne, hein, juste après le son maintenant de Cheat Codes qui débarque. Juste après, je vous ai calé un petit Rihanna sur Fun Radio. For the longest time we're jamming at the party, and you're whipping on beat, pushing everything on me. We got Silento on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The Henny got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, yo. Turn me up, turn me up. Let me change. Like you want me, I can feel your eyes. So go tell your friends goodbye. We can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, yo. Turn me on, turn me on. Let me change you. Yeah. Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Far away, too far away. And we can't get back yesterday. But we young right now. We got right now. So get up right now. Cause all we got is right now. Avec Pitbull, Florida et Lunch Money. Ouais, ils sont un max hein, sur le morceau. C'est ce qui arrive, il y aura aussi le nouveau Hardwell dans un instant. Avant ça, j'ai lancé une bouteille à la mer. Un appel à l'aide, c'est carrément ça. Oh ouais, carrément, franchement, on est en galère sur le Facebook, sérieusement. Il y a un gars, je sais pas qui, mais qui s'amuse à faire des faux profils de moi, de l'équipe, tout ça. Bref, Audrey, Fun Radio, Audrey Happy Hour, c'est pas moi. Et qui arnaque en plus les auditeurs, ça me saoule. Je sais pas comment faire pour que le gars arrête, quoi. C'est dingue, il a que ça à faire. Y a pas une compagnie spéciale. Si, la Crumputer, machin, j'arrive même pas à le dire. La Crime Computer Community. Voilà, un truc comme ça. J'ai appelé les policiers, ils m'ont dit non, on sait rien faire. Ok, ben donc. Mais toi qui es Charleroi, t'as pas 2-3 contacts qui peuvent aller. Moi je vais lui envoyer des Albanais, il va rien comprendre s'il continue. On va le couler dans la Sambre avec des pierres ou Et sinon, moi j'ai quelques contacts aussi s'il faut. Et quoi, c'est seulement maintenant que vous venez à ma rescousse? C'est une blague, ça fait une semaine que je galère avec ce gars qui me fait des faux profils dans tous les sens, carnaque les auditeurs et puis t'as Sandro, tel un super héros. Ah non, connard, c'est pas une vraie vanne. Si, c'est une vraie vanne. Bon, t'es à chier. On a Maxime qui est là, qui vient de ciné. Bonjour Max. Bonjour. Ça va bien Maxime? Bah ça va, Maxime. Maxime. Bah ouais, c'est original, ça. Bah ouais. En fait, Maxime. C'est et ça me fait trop penser à un prénom dans Astérix et Obélix. Ah non, tu sais, Robustesse. J'avais compris Maxime. Ça aurait été drôle et t'aurais été le... Comment dire, t'aurais été méga fan du prénom, quoi. Ah mais il aurait été dans ma chambre. Je l'aurais attaché dans ma chambre au statut. Bon, mon Maxime, comment je peux faire pour Facebook? Il paraît que toi, tu peux donner quelques explications. Ouais, effectivement, faut le signaler une deuxième fois. Vous l'avez signalé une première fois et Facebook lui a demandé une vérification de son nom. Ouais. Donc on lui a juste demandé de valider son nom une deuxième fois. Mais son compte n'est pas supprimé. La deuxième fois, quand on le signale à plusieurs, le compte est supprimé et on lui demande une carte d'identité. Maintenant, il est fort possible que le gars soit fort en Photoshop et qu'il sache faire une carte d'identité cheatée, on va dire. Et mais donc, ça, c'est fou, ça. Là, Facebook prendrait en compte la carte d'identité, elle laisserait le nom, elle compte Facebook serait valide et il pourrait continuer. Eh, mais c'est quand même un truc de malade. Hein. En fait, sur Facebook, tu sais rien contrôler. C'est la première fois que ça m'arrive. Moi, je sais pas si vous, de l'autre côté de la radio, ça vous est déjà arrivé de vous faire pirater votre compte 3044 pour vos messages. C'est un truc de fou. Je me rends compte seulement maintenant qu'en fait, Facebook, c'est un peu la galère. Hein. Sérieusement. Bon, bah, Maxima, on va essayer de faire comme ça. On va de nouveau le signaler. Dac. Ben d'accord, pas de soucis. Bah merci beaucoup en tout cas d'être passé à l'antenne. Tu vas faire quoi ce soir, Maximin? Oh, ce soir, à mon avis, je vais vous écouter. Hein. Bah, c'est je vais cool. écouter Fun Radio. Ah bah voilà, bah, c'est un super bon programme ça, Maximin. Reste bien à l'écoute de l'émission. Je te fais des gros bisous. Bah gros bisous. Salut Max. Salut. Bisous bisous. Eh, hey, Maximin, j'avais jamais entendu. Hein. Moi non plus. Vous, oui. Enfin, on dirait trop, c'est un truc de la Rome antique, c'était tu vois. C'était pote de Jules César, Maxime. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais, c'est clair. Rien à voir, en fait, c'est juste Maxime, mais il vient de Liège. Maxime, hein? Ah oui, hein. Voilà, c'est. On applaudit Sandro qui tente des chances. Okay, non, bravo, on voilà. s'est donné une règle dans l'émission, on a dit qu'à chaque fois on allait l'encourager. Donc on applaudit Sandro. Ça va aller, Sandro, un jour tu trouveras c'est pas mal, non ? La vanne drôle. Mais tu. Vas-y, c'est, tu suis ton chemin, ça va aller. Mais... On va sur le son de Pitbull maintenant avec Florida sur Fun Radio, comme promis. Il y a aussi Hardwell, ça c'est le nouveau, rien que pour vous. Et puis restez bien là si vous voulez venir avec nous faire la fête ce dimanche du côté de la Dog Pool Party. On vous explique comment faire juste après ça. Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Le plus impatient des réseaux présente. Attends encore. Sois pas si impatient, Tony. Et allô? Bonjour, monsieur. Je vous appelle du futur pour vous dire de continuer comme ça avec vos flacons de shampoing. Quoi, continuer à me laver les cheveux, c'est ça? Ah non, à bien trier. On vit très bien sur Terre en 2130. Grâce au tri que vous faites tous les jours, vous dans le présent. Ouais, ouais, c'est ça. Et vous partez bronzer sur la Lune. Oh, la Lune, c'était bien il y a 50 ans. Allez, je vous laisse, merci. Quoi, vous êtes vraiment sur la Lune? Attendez, il y a des promos sur la Lune. Allô? Curieux? Likez Faust Plus sur Facebook et entrez en contact avec le futur. Faust Plus, pour le futur, continuons à bien trier. C'est moi, Hip. Profitez maintenant des dernières offres de génie dans tous les rayons de votre hypermarché Carrefour. En ce moment, à l'achat d'une paire de chaussures ou de pantoufles, recevez, bam, une deuxième paire gratuite. Venez vite, car cette offre se termine déjà ce soir. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Le plus impatient des réseaux présents. Attends encore. Sois pas si impatient, Tony. Il y a une grande différence entre un véhicule pour son job et le nouveau Volkswagen Amarok qui fait le job. Pour transporter du matériel de chantier, il fait le job. Pour montrer à son voisin ce que c'est que d'avoir de la reprise, il fait le job. Pour grimper une dune de 22 mètres, il fait le job. Venez essayer le nouvel Amarok et son moteur V6 chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye, des plus récentes aux modèles de légende, à l'échelle 1/43e. Le numéro 2, la Citroën DS3 de Sébastien Loeb et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. I'm

New Music. Découverte Fun Radio. Dans un instant, dans la Happy Hour, on va vous dire comment faire pour venir faire la fête avec nous la dimanche à la Dog Pool Party du côté du Dog Center de Charleroi. Ça sera juste après le tout nouveau Hardwell. Maintenant, sur Fun Radio, c'est juste de la bombe. I wake up smiling every morning. Yeah, I don't mind sleeping alone. The people ask me if I don't miss you. But I ain't been thinking about all the nights we spent together and how your skin felt on my skin. And I'm just calling to let you know. Thinking about Radio, la suite avec Martin Garrix, que ça se passe. Et Martin, ouais, je le dis avec l'accent, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est ce qui arrive juste après l'infotrafic. L'infotrafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. On va vous expliquer aussi comment faire pour venir avec nous à la Dog Pool Party ce dimanche. Avant ça, on file du côté des routes et j'ai l'impression, je sais pas, c'est peut-être une mauvaise impression, mais que c'est calme aujourd'hui, non? Oui, oui, oui. Alors, on va commencer ensemble d'abord. Je veux que vous vous joigniez à moi pour faire un applaudissement à mes collègues policiers. Bravo, on applaudit très fort. Les gars, après, on va encore se foutre de notre gueule. Les gars, ils ont dit on va faire un contrôle de vitesse. Ouais. Jusque-là, normal, il faut aussi qu'on gagne un peu notre partine, comme tout le monde. Sauf qu'ils se sont dit on va faire ça un vendredi soir, 17h30, on va se mettre dans le tunnel. Mais bon, le tunnel, il a l'arrêt. Tout le monde a fini de travailler. Tout le monde rentre chez lui. Tu vas contrôler quoi? Tout le monde, il y a la file de la basilique dans tout le tunnel Roger jusque dans l'autre sens en partant du midi et eux ils sont là avec l'appareil photo. C'est exceptionnel, double possible. Applaudissement pour la police de Bruxelles. Je dis non les gars, il faut arrêter. Sinon, qu'est-ce qui se passe sur les routes? Ah, le E411 Bruxelles-Namur direction Luxembourg, il y a eu un accident. Donc du coup ça ralentit tout le monde. Je voudrais pas devoir prendre les quatre bras de Tervuren à cette heure-ci parce qu'à mon avis, ça bouchonne. Ah oui, courage les copains, si vous êtes de ce côté-là, si vous avez des infos d'ailleurs sur le trafic, bah prévenez-nous, hein, comme ça on fait jouer la fun solidarité, comme on dit. Oh. 30-44 pour vos petits messages pour nous prévenir. On va sur le son de Martin Garrix maintenant, sur Fun Radio, le son Dance Floor. Et juste après, on va vous expliquer comment faire pour venir faire la fête avec nous dimanche du côté du Dog Center à Charleroi. On organise la toute première Dog Pool Party avec des DJ, de la bière pour chiens, de la glace, bref, ça va être de la folie, les gars, sérieux. On vous explique tout ça juste après Martin Garrix maintenant sur Fun. Welcome. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side? Would you call in the name of love? In the trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Sur Fun Radio dans moins de 5 minutes. J'espère que ça se passe bien, vous de l'autre côté de la radio. Merci hein, de passer l'après-midi avec nous, c'est cool. Il y aura aussi Soprano Baba qui sera avec nous le 21 octobre dans l'émission. C'est quand le 21 octobre? C'est après le 20. Merci. Vous saurez tout sur le zi. Sur les people. Vous saurez tout sur les people. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. On va se faire les potins et popotins maintenant. Il est question de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui a relevé un défi qui est 35 heures, c'est ça, non-stop à l'antenne, le mec. Immédiat. Confondu, donc c'est pas juste de la radio, il fait de la télé aussi, il a fait des émissions, donc 35 heures non-stop à l'antenne. Mais il fait ça pour la bonne cause, parce qu'à chaque heure d'émission, il y a 1000 euros qui partent pour une association. Et s'il tient le coup, c'est bien, quoi, ça fait 35 000 euros de gagné. C'est ouais, top. Mais alors, 35 000. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que déjà, nous, on peut pas voir ça en Belgique. Ça me saoule. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas diffusé, donc on peut pas, on voit juste TPMP, et après, bim, ça s'arrête. Coupé. Voilà, donc on voit pas, à part sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pu aller voir, j'ai deux, trois petites infos. Alors, comment ça se passe, ces 35 heures non-stop? Ça avait plutôt bien commencé. Mais seulement après une petite demi-heure, il avait déjà perdu une dent. Hein? Oui, bah oui, Cyril Hanouna perd une dent après 30 minutes d'émission. Normal. Mais monsieur, tranquille, alors que tout le monde doit se démerder pour avoir un dentiste, il faut des rendez-vous 3 semaines à l'avance. Il prend son téléphone. Salut, c'est Cyril. Écoute, je perds une dent. Tu peux venir me la réparer? Et quoi, le gars est venu? Le dentiste, il est venu. Ah, il lui a réparé la dent. Mais... Et ça lui fait une putain de pub. Hein. Ouais, ça. Mais pas tant que ça, fait, figure-toi. Parce que 20 heures après, la dent, elle est retombée. La même. Oh merde. Celle que le gars lui a recollée. Donc il a dû le rappeler pour dire. Classe. Ton boulot n'est pas top, donc il faut que tu reviennes. C'est quand même un peu dégueulasse. Hein. Bon, et quoi? Et là, on en est à combien, là, au total? Bah, c'est presque fini. Hein, ça a commencé donc hier à 14h. Ouais. Donc ça va se terminer. Si mes calculs sont bons, je suis très mauvais en maths. Allez, vas-y, galère, je t'aime pas. Vas-y, aide-moi, s'il te plaît. Non, vas-y, je m'en fous. Alors, on fait un problème en direct sur Fun Radio. Ça a commencé hier à 14h. Le défi dure 35h. Il est 17h37. Dans combien de temps le défi de Cyril Hanouna se termine? Ah, j'ai un problème. 30-44, si vous êtes vachement plus malin que Fab, en même temps, je suis sûr qu'on va recevoir la réponse avant que toi-même tu l'aies. Ça, c'est quand même un truc de dingue. Hein. T'es attends, mauvais t'as, en maths. T'as hein. Deux baignoires, il y en a une qui se remplit à une vitesse. Non, mais allez, sérieux, non, tu. Non, attends, je cherche. Donc, Tu sais quoi, on fait un truc. Si un auditeur balance la réponse avant toi, tu vas vivre un sale moment. Vas-y, non, je te jure, allez, s'il te plaît. Menace. 30-44 pour vos messages. Pitié, envoyez la réponse avant qu'on puisse se venger sans Fab. Alors. 3h du matin, aujourd'hui. Cyril Hanouna, il a pris l'antenne à 14h. Il est 17h37. Ça doit durer 35h. Encore combien de temps? Ça va se terminer à quelle heure tout ça? 30-44 pour vos messages. Fab réfléchit en même temps. On écoute les Black Eyed Peas et on fait le point après. Alors, ce sera vous les premiers ou Fab? À vous de jouer. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? Yeah. What's going on with the world, mama? Where's the love? Yeah. People living like they ain't got no mama. Where's the love? I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama. Where's the love? I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Where's the love? Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them. Where's the love? But if you only got love for your own race, where's the love? Then you're gonna leave space for others to discriminate. Where's the love? And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Man, this is what you demonstrate. And that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love, so the love? It just ain't the same, always a change. Where's the love? New days are strange, just the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Suffering as the youth die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All racist, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. And if you never speak truth, then you never know a love sound. Where's the love? And if you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where's the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Where's the love? To the love and the fairness and equality. Where's the love? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Where's the love? La suite du son Dance Floor, c'est avec Soprano, Soprano Baba, que ça se passe en feu. Soprano qui sera avec nous le 21 octobre. C'est déjà la semaine prochaine en fait. C'est ça, vendredi prochain. Et quoi, on me dit rien ici et là. Mais ça va être un truc de malade, hein. Soprano il va venir dans l'émission. Vous allez pouvoir assister à l'émission, rencontrer Soprano, demander des autographes, assister au live aussi. Il va venir faire son nouveau son là en direct sur Fun Radio. Yeah. Ce sera donc vendredi prochain. Notez bien la date, les copains. Bon, sur ce, on était en pleine galère là avec Fab et les problèmes. On peut pas passer à autre chose. J'adore parce que Fab il fait les potins, donc il fait le malin, tu vois. Il fait ouais, genre j'ai des infos people et tout. Il parle de Cyril Hanouna, si vous venez de nous rejoindre, qui est en pleine. 35 heures en marathon d'émission ouais, média. En plein marathon. Ça fait, il doit au total faire 35 heures oui. À l'antenne donc sur C8. Alors là pour le moment il est à combien d'heures Mais même attends, ça 24, 27, 26. Ça a commencé à quelle heure? À 14h hier. Hier, donc 14h hier ça a commencé. Le défi doit durer 35 heures. Et alors du coup j'ai demandé à Fab à quelle heure ça allait se terminer. Et là on a senti le vent. Ce soir dans son cerveau. Enfin, avant demain, c'est fini. Il se passait pas grand chose. T'as toujours pas trouvé la réponse? Non, c'est aux alentours de. Et il fera noir. Moi, je dormirai. Mais t'es nul, sincèrement. J'avais dit un truc à l'antenne. S'il y a un auditeur qui arrive à me donner la bonne réponse avant toi. Oui, mais il n'y a pas. Tu vas passer un mauvais moment. Non, allez. Si vous avez l'idée de la réponse, le défi a commencé à 14h. Il doit faire 35 heures d'antenne et ça doit se terminer aujourd'hui. Mais à quelle heure? Allez-y, 30-44 pour vos messages. Et on a Maude qui est là, qui a 22 ans. Bonjour Maude. Bonjour. Maude, tu as bien conscience que si tu arrives à donner la bonne réponse, Fab va passer un moment terrible. Je te mets un coup de pression. Tu vas pas faire ça, Maude. Hein. Bah si, elle va le faire. Tu m'aimes bien, Maude. Tu penses à moi. Tu veux pas qu'il m'arrive malheur. Si, si, elle veut. Bah oui. Ah oui, Maude, tu veux. Dis oui. Alors, pour moi, la réponse, c'était à 1h du matin. C'était... À 1h du matin. Oui. Attends, 14 donc... plus 24. Fait... J'adore parce que tu calcules vraiment. Il est mauvais. T'as fait... Alors, tu fais quoi comme calcul pour arriver à ça, Maude? Donc, moi j'ai calculé déjà donc 14h, déjà plus 10, donc ça faisait déjà 24h. Donc ça faisait déjà une journée complète de passé, ouais. Donc hier. Donc il me restait encore 25 heures. Ouais. Donc des 35 heures bien sûr. Et donc ça me faisait une journée donc aujourd'hui complète. Mais il restait encore une heure parce que dans une journée il y a 24 heures. Et donc il me restait encore une heure. Bon. Bah, alors, on a un problème. Hein. On a un problème. Parce que, honnêtement, on a vérifié l'information, on avait un doute sur l'information. Alors, ouais, on a regardé sur internet, tu sais que eux, ils annoncent la fin de l'émission à 2h du mat. Ah. C'est bizarre ça. Bon, comment on fait? Ah ouais, c'est très bizarre. Bon, et en plus, j'y vois les messages. Hein. Il y a plein d'auditeurs qui disent que c'est à 1h du matin du coup. Hein. Mais attends. Mais ils sont cons. Et ça se trouve, même Cyril Hanouna, il s'est pas calculé, il s'est trompé d'heure. On va le faire ensemble. Tu fais 14 plus 24, ça fait 14 aujourd'hui. Je pensais pas qu'on ferait des maths un jour sur le est d'accord. Ça, ouais. Bon, 14, donc on a déjà fait 24. Il reste 11h. Tu rajoutes 10h. Ouais. T'arrives à. À minuit. À minuit. Mmh. Tu rajoutes 1h. À 1h. Et 1h du matin. Ouais, mais Maude, c'est bon. Bravo. Ouais. Donc voilà, par contre on va essayer de joindre Cyril Hanouna pour lui dire qu'en fait il termine pas à 2h cette nuit, hein, c'est à 1h du matin. Il est mauvais, je vous jure, allez voir, je vous jure sur le net, il est marqué 2h ouais, du matin. Mais ils ont peut-être compté 1h en plus pour lui laisser le temps de terminer toute la cocaïne qu'il a commandée. Ah c'est peut-être ça, ouais. Ça doit être un truc du genre. Maude, bah tu sais quoi, je vais te filer des places de ciné, rien que pour le sport, d'accord? Ah c'est super, merci beaucoup en tout cas. Bah voilà, c'est cadeau Maude, je te fais des gros gros bisous. Vous êtes les meilleurs, franchement. Oh c'est gentil, merci. Ça Maude, reste bien à l'écoute de la Happy Hour, c'est cool, gros bisous. Pas de problème, bisous bisous. Bon c'est bizarre quand même hein. Tu sens ce rire? Non, on a trouvé ensemble. Non. Si, si, non, Maude a donné la réponse bien avant que toi-même tu réfléchisses à l'antenne. Ouais, mais sans... Alors, la sentence va tomber. Mais non. Si. Ah lui c'est vendredi. Justement. Le vendredi, vous savez que parfois on pète un câble dans cette émission. On fait un truc. Parce que après on va se dire ouais Audrey t'es sévère, t'es méchante avec Fab. Ok. Et bah c'est vous qui décidez ce qu'on va faire à Fab. Alors, moi je dis on fait rien pour lui. Non Zizi, vous décidez, vous m'envoyez un petit message au 3044. Fab doit payer pour ça. On l'avait dit, hein, on l'avait promis. Donc franchement, je vous jure, peu importe la proposition, on le fera. Parce que dans cette émission, on a vraiment peur de rien. Allez-y, 30-44 pour vos petits messages. J'ai hâte de lire tout ça. Ça va être bien sympa. On va vous prendre à l'antenne après le son maintenant de Soprano qui débarque sur Fun Radio. European. Oh. 25. Découvrez le classement des plus gros tubes dance. Dance. Dans l'Eurodance 25. Eurodance 25. Sur Fun Radio. Numéro 1.

Fais gaffe parce que je peux demander à Manu de venir. Hein. Je te jure, me chauffe pas, hein, vraiment. Fais gaffe à ce que mais tu racontes. Il va pas mettre un doigt à lui dans moi quand même. Ah bah c'est toi qui l'a proposé, c'est pas nous. Alors, on a reçu aussi un petit message qui m'a l'air pas mal. D'un auditeur qui propose une tarte à la crème en plein visage. Ah oui. Non. Ça doit être bien ça. Non, ça doit être sympa. On n'a pas de tarte. Ah, non, pas de crème. C'est con, il y en a une qui arrive bientôt. C'est une blague. Ah, t'as vu, regarde. Oh, Alison a disparu. Oh, mais qu'est-ce que. Oh, bah, elle a dû aller à la boulangerie. Oh, bah oh, voilà. Oh, on va donc foutre une tarte à la crème en pleine gueule de Fab dans quelques minutes sur Fun Radio. On va d'abord écouter AMT, comme promis, avec Call Your Name. Et merci à l'auditeur qui a envoyé son petit message au 3044. Ça, c'est de l'idée, les copains. On va donc arroser Fab de crème. Ouh. Un peu comme dans les films de boules que tu regardes. Oh, Fab. Tu vas la lécher après. Non, ça, je ne lécherai pas. Faut pas rêver. Et le gaspillage. Ah, bah, c'est comme ça. Et tout, et on, va, hein, on peut pas tout faire non plus. Hein. On va faire ce petit défi après AMT et après les infos qui débarquent dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien là. We'll stay together always. True love forever will stay. No matter what they say, yeah. We'll live a life the same way. Je rêve qu'elle de jour comme de nuit. Je vis ma vie sans faire de bruit. Aisance et élégance, yeah. Elle perturbe mes sens, yeah. Les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Il est 18h sur Fun Radio. Dans un instant, on va donc mettre une tarte à la crème dans le visage de Fab. Ah. Alison, la stagiaire de cette émission, est partie à la boulangerie en chercher une. On se fait ça après l'actu de Carlo. Bonsoir, mon Carlo. Allez Audrey, salut à tous. C'est un record absolu. L'an dernier, plus d'un million de litres de vin ont été produits en Belgique. Pour vous dire, c'est quand même une augmentation de 46% par rapport à l'année précédente. Au cours des 10 dernières années, la production nationale de vin a été multipliée par 10. Si ça continue comme ça, à ce rythme, j'ai calculé qu'en 2045, nous serons tous expropriés pour qu'on puisse produire du pinard partout. Belgique ne sera plus qu'un énorme vignoble. Il en sautera de la gueule des ringards qui produiront encore de la bière. Plus sérieusement, ce résultat est surtout dû aux bonnes bonnes conditions climatiques, à l'augmentation permanente de la surface viticole, le vieillissement des vignobles qui permet une production optimale. Le vigneron produit surtout du mousseux et du vin blanc, peu de rouge, et alors le rosé, c'est juste pour dire. En propos de Donald Trump, ben on peut difficilement le comparer au vin, qui devient meilleur en vieillissant, alors que Trump, lui, vous avez compris, Trump qui n'emmène plus très large depuis quelques jours, et la révélation sur les propos qu'il a tenus en 2005 à propos des femmes, des propos sexistes, machistes, misogynes, vulgaires, même que dans un discours passionné, Michelle Obama, la femme de qui vous savez, a exprimé son dégoût vis-à-vis de paroles jugées intolérables. Quel que soit le parti auquel on appartient, a-t-elle notamment déclaré, aucune femme ne mérite d'être traitée de cette façon. Fin d'excitation. Et puis, ce n'est pas tout, mais dans la foulée de ces révélations, une demi-douzaine de femmes ont affirmé que Trump les avait harcelées, voire carrément agressées sexuellement. Mensonges, répond l'intéressé, des mensonges que le portait selon lui par des médias à la solde de sa rivale Hillary Clinton. Notez que ça ne doit pas le choquer plus que ça, hein, vu que les mensonges, ça fait quand même un petit peu partie de son fonds de commerce aussi. L'État islamique perd du terrain en Syrie et en Irak, en Libye aussi, et puis c'est le cas également de Boko Haram au Nigeria. Boko Haram, on en parle un petit peu moins dans nos contrées, mais c'est le nom de cette organisation de féroces islamistes qui sévissent depuis des années dans la région du lac Tchad, et pas seulement au Nigeria, organisation qui a déclaré son obédience à Daesh. Bref, les chefs d'état-major des pays concernés par ce fléau, donc le Nigeria, le Niger, le Cameroun, le Tchad et le Bénin, se sont réunis hier pour préparer ce qu'ils appellent la phase finale de l'éradication de Boko Haram. En d'autres mots, il s'agit de lui foutre une branlée dont il ne se relèvera jamais. Ça fait quelques mois déjà que des opérations de ratissage portent leurs fruits. On va donc passer à la phase suivante, plus radicale, contre les radicalistes. Ou les vilains jaloux. Je veux parler des écrivains qui se disent choqués par le fait qu'un chanteur, un saltimbanque, ait pu remporter le prix Nobel de littérature, à savoir Bob Dylan, bien sûr. Pierre Assouline, membre de l'Académie Goncourt, a notamment déclaré « Lui attribuer le Nobel, c'est affligeant. J'aime Dylan, mais il n'a pas d'œuvre. Je trouve que l'Académie suédoise se ridiculise. C'est méprisant pour les écrivains. » Fin de citation. C'est-à-dire, ils ne pensent pas tous comme lui non plus, hein, les écrivains. Pour Salman Rushdie, le choix est excellent. Chansons et poésie ont toujours été intimement liés, dit-il. Dylan est le brillant héritier de la tradition des bardes. C'est joliment dit, ça. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Ça y est, je peux le dire, on a reçu la tarte. La commande est arrivée, la tarte avec de la crème dessus est arrivée. On va donc pouvoir faire notre petit défi dans un instant. On se fait ça après la météo et le son de Chainsmokers qui arrive dans moins de 5 minutes. Alors ce week-end, est-ce qu'il va faire beau, Carlo? Ouais, il va faire printanier ce week-end. 19-20 cool. degrés, demain matin de la pluie. Après ça, le ciel va se dégager, on devrait avoir droit à du soleil pendant tout ce qui restera du samedi plus le dimanche. Voilà, tous un excellent week-end. Enfin, on se retrouve encore dans une heure quand même. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Chainsmokers. Salut. Fun. Fun Radio. Réservez maintenant nos destinations de l'été 2017 à partir de 19,99€ l'aller simple. Ryanair. Low fares made simple. Disponibilité limitée. Consultez ryanair.com. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop, no, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson, okay. I know it breaks your heart. I moved to the city in a broke down car. And 4 years, no car. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. The sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room, and I can blow that we ain't ever getting older. Je suis chez moi, c'est ce qui arrive. On va se faire un souvenir aussi avec Kid Cudi dans un instant. C'est Day and Night. Vous vous souvenez de ça? Day and Night. Attends, attends, on think about my time. Day and Night. Ouais, on va pas. Il faut pas qu'on s'éloigne de ce qu'on devait faire. Hein, parce qu'attention, c'est très important ce qui va se passer maintenant sur Fun Radio. Il faut savoir que Fab a eu droit à un petit problème mathématique à l'antenne tout à l'heure. Si vous venez de nous rejoindre maintenant, vous vous demandez ce qui se passe. Et. Voilà, j'ai dit si un auditeur arrive à trouver la réponse à ce problème avant Fab, parce qu'il fait toujours le malin, moi je suis intelligent, moi je suis fort en mathématiques, mais j'ai dit ok, si t'arrives à donner la réponse avant l'auditeur, il se passera rien. À l'inverse, t'auras un petit défi. Mais moi j'ai rien dit, moi, j'ai dit, bah c'est bien voilà. Ça le problème, si t'avais donné la bonne réponse... Oui, mais j'ai pas dit que j'étais bon en maths, je sais que je suis nul en maths, tout le monde sait, appelle mon prof de maths, il le dira. Il y a tous les auditeurs qui sont branchés sur le live, sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Si vous voulez voir dans le studio ce qui se passe, allez vous brancher. Je vous laisse encore deux petites minutes pour le faire. Parce que quand même, femme oui, entartée. Ah bah quand même. Alors ce que je vais faire, je vais demander à Alison, oui, la stagiaire de l'émission, de venir près de moi. Pour filmer tout ça. Ne rien perdre de ce grand moment. Il y a Fabrizio qui dit un jour, les Fabrizio domineront le monde. Oui. Mais ça, c'est un jour. Mais c'est pas encore aujourd'hui. Si tu veux bien, regarde maintenant mon coach, a vu que j'avais bouffé de la crème. C'est pas vrai, hein. C'est bien vrai, fait, c'est ce pour que tu ta crois. C'est de la meringue. Ça fera des squats en plus et des pompes et une demi-heure de course. C'est du blanc d'œuf, hein. C'est comme oui, si c'était bah, une omelette. Du sucre. Non, ça compte pas. C'est plus alors, du sucre qu'autre chose. Attention, mesdames et messieurs. Fab, est-ce que tu es prêt? Est-ce que j'ai le choix? Non. Oh non, ça c'est pas une question, hein. Attention. Il va falloir que tu sois fort, Fab. Ça va être montre dur, ça. Que tu es un homme, un vrai. Tu sais que tout se paye un jour. Oui, mais je m'en fous, c'est pas grave. Tu vas payer. C'est pas grave. Fab, t'avais qu'à être malin, c'est tout. T'avais qu'à être meilleur en problème mathématique. Viens près de moi, mon petit choupi. J'espère que t'as rien de prévu ce soir, pas un resto ou une connerie. Bah, tant comme pis, ça. Hein, il aura changé. Hein. Attention. Mais je change est-ce pas que tout le monde est prêt? Oui. Oui. 3. Non, c'est mon kiff. 2. Par contre, Audrey, ouais. Toi t'as quelque chose de prévu ce soir donc. Ouais, donc non, mais non. Allez, commence pas Fab, à changer les règles. Je lui prends la tarte. Allez, 3. Si tu... Tentez-vous, on y va. Non, mais conseil pour toi. Quoi? Si tu tapes trop fort. Ça va éclabousser sur toi. Ah oui, c'est ça. Ah merci. Heureusement que t'es l'ami. Je dis ça, je dis rien. Allez, 3, 2, 1. Oh. Alors, le bruit que vous avez entendu, c'est le claquement entre la tarte et le visage de Fab. Ça fait... Voilà. Mais comment tu m'as éclaté dans la gueule? Alors? Je m'attendais pas à ce que ça fasse. Mais...

Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas de moi, rien que toi, ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. La suite du son Dancefloor, c'est avec Mike Perry, que ça se passe sur Fun. The Ocean, que je vous ai calé. Il y aura aussi Tovlo dans un instant. C'est le nouveau en plus, hein. Vous allez l'entendre pour la première fois dans la Piawar. Avant ça, je vous rappelle qu'on va faire la fête ce dimanche. Avec des chiens. Et ouais, on a peur de rien dans cette émission. On a lancé une idée un peu bizarre, mais organiser une dog pool party, la première de Belgique, les copains. Sérieux, ça va être énorme. Et moi, je propose qu'on mette cette musique et on demande aux chiens de danser. À fond, avec une petite chorégraphie. Elle rigole pas, il y a des chiens qui ont le sens du rythme. Hein. Ah ouais? Peut-être même plus le sens du rythme que Fab, tu vois. On a perdu Fab, hein. D'ailleurs, il est parti aux toilettes pour se nettoyer le visage. Le pauvre, il est rempli de tarte à la crème. Trop drôle. Bon, si vous voulez venir avec nous ce dimanche à Charleroi pour faire la fête avec les chiens, alors on a tout prévu, je vous préviens. Non seulement il y a une piscine qui est juste pour les chiens, ça a ouvert là à Charleroi, hein. C'est nouveau, c'est rien que pour eux. Alors il y a la piscine, il y aura un DJ qui sera là sur place pour mettre de la musique Fun Radio, tout ça. C'est Dylan de Fun Radio Connected qui sera avec nous. Chihuahua. Avec son petit chihuahua Odin qui sera de la partie. Et alors, plein de surprises pendant toute la journée, avec des cadeaux à gagner. Il y aura des eaux gonflables dans la piscine, des packs pour les chiens, ils vont repartir avec des donos, avec des jouets. Bref, franchement, on a tout prévu pour eux. Il y a de la bière pour chiens, des glaces pour chiens, je te jure. Et un traiteur quand même pour les maîtres. On a pensé à vous aussi, okay. Hein. Le prestige qui vient avec tout ce qu'il faut, des petites verrines, avec de quoi boire. Enfin, bref, on va vraiment bien s'amuser. Si vous voulez être des nôtres ce dimanche, c'est par SMS que ça se passe. Vous envoyez maintenant Doug par SMS au 3044 et on fait un petit tirage au sort. Avant 19h, c'est promis, bonne chance. Allô? Oui, c'est moi, je suis bien arrivé. Oh, il est sain et sauf. C'est génial ici, les gens sont sympas et très accueillants. C'est comme à la maison. Ouais, je crois que je vais rester d'ailleurs. Et encore merci à toute l'équipe Assab pour le tuyau. Allez, ciao! Avoir un job qui vous convient parfaitement, c'est comme être en vacances. Nos consultants RH vous guident vers le défi idéal. Complétez votre profil sur asap.be ou passez-nous voir dans l'une de nos agences. Asap. Enjoy your job. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, avec cette météo, je sais plus quoi mettre, moi. Ah, je connais un endroit où il pleut jamais et il fait toujours 22 degrés. Ah bon? Oui, et maintenant, tu as jusqu'à 50% de réduction. C'est où? Dans un magasin CA. Maintenant, chez CA, jusqu'à 50% de réduction sur une partie de la collection. CA. Eux sont les caïnes d'une cité. Ouais, je suis cool, l'ambiance. Lui est un sans-abri. Un clochard, frère. Tous les opposent. Un jeu va les réunir. C'est marrant, votre jeu. Jouer. La pièce. Les derniers seront les premiers. Avec Dawala, Dry, Black M, Thibaut Viel, Fabi Gerba et Tonio Life. Est-ce que t'en as une de pièces? La pièce. Les derniers seront les premiers. La partie commence actuellement au cinéma. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Really let you go, go.

is cold. I roll my eyes at you. Rules you don't like, but you still wanna keep them. Said you were fine, so for whatever reason. Sure, we can chill, try and keep it platonic. Now you can tell if I'm really ironic. No, let's not put a label on it. Let's keep it fun. We don't put a label on it, so we can run free. Yeah, I wanna be free like you. I'm a cool girl. I'm a cool girl. Ice cold. Radio, la suite. Ah, ça, c'est avec mon kiff du moment, Feder. Lord Lai, c'est ce que je vous cale côté son dance floor. Il y aura aussi les Fifth Harmony dans un instant. Et on a Anissa qui est là, qui vient de Monceau sur Sambre. Bonjour Anissa. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Bah écoute, nickel. Qu'est-ce que tu fais de beau, Anissa? Bah écoute, là, je vais vers mon boulot. Je travaille au Spirou Dôme de Charleroi. Oh, wow. Il y a voilà. Un match ou quoi? Il y a quoi aujourd'hui? Oui, bah, il y a un match de basket qu'on aussi, ma soeur. Ok, puis. Okapi, voilà, contre Okapi. Okapi Baboon. Donc il y a des céréales contre un mec d'un journal. D'accord. Exactement, c'est ça. Bon, Anissa, t'as envoyé Doug par SMS au 3044. Est-ce que ça te dirait bien de venir à la Dog Pool Party dimanche? Oh oui. Eh bah, c'est gagné, explique. Anissa. Ouais. Bah, allez. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, super. Je participais pour ma sœur, en fait, donc c'est super. Non, on a dit des chiens, pas des membres de la famille. Elle a un chien ou pas? Si, en fait, moi j'ai un chien, mais c'est ma sœur qui voulait absolument venir. Elle a été triste de savoir que c'était sur invitation. Ouais. Et du coup, je participe pour elle, quoi, pour son chien. Oh, donc, bah voilà, c'est cool. Eh ben, bah, vous oui, serez avec nous ce dimanche, d'accord? Oui. Tu raccroches pas, Anissa. On va prendre tes coordonnées, super. Comme ça on se voit ce dimanche, d'accord? Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Gros bisous Anissa, à dimanche. Dans un instant, il y aura encore du cadeau dans l'émission. On va vous expliquer comment faire pour repartir avec un séjour pour aller voir Mickey à Disneyland pendant la période d'Halloween. Mais d'abord, horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ouais, là on va aborder un sujet compliqué, les copains. Je suis sûre que vous connaissez ça de l'autre côté de la radio. Est-ce que vous avez du mal un peu à vous entendre avec votre belle-mère ou votre beau-père? Oui. Ouais, oui, hein, oui, oui, oui. Globalement, c'est rare quand même qu'on est, tu vois, c'est rare quand ça en symbiose, bien. Comme on dit. Et ben justement, dans l'horoscope, on va vous dire si un jour votre belle famille va finir par vous aimer. Les béliers. Cette année, finalement, vous serez invité à Noël. Tout le monde aura un cadeau à son nom, sauf que sur le vôtre, à la place de votre nom, sera écrit l'autre con. Les taureaux. Pour votre mariage, tout le monde a prévu de vous jeter du riz. Votre future belle-mère, elle vient d'acheter des pierres. Oh. Cool, les Gémeaux. Votre belle-famille vous aime alors que vous, vous en voulez à mort à votre copine. En même temps, c'est pas la faute de votre belle-mère, elle est beaucoup plus jolie que votre femme. Cancer. Tant vous continuerez à envoyer des sextapes de vous et de votre copine à vos beaux-parents, il y a peu de chances qu'ils vous aiment un jour. Ouais, tu m'étonnes, les Lions. À chaque dîner en famille, vos beaux-parents présentent une nouvelle fille à votre copain parce que d'après eux, votre petit copain mérite mieux qu'un petit boudin vulgaire. Sympa. La violence, vierge. Votre belle-mère vous a trouvé un nouveau surnom puisque vous n'aimiez pas l'autre. Quand elle vous appelait petite pute, elle a préféré vous appeler Pretty Woman, mais non. Balance. Sympa. Vos parents vous adorent surtout. Beau papa, c'est le premier à venir vous frotter le dos quand vous êtes sous la douche. Oh, les scorpions. Ça fait 8 ans que vous êtes en couple. Votre belle-mère vous a adressé la parole pour la première fois il y a 2 jours. Je pense que ça répond à votre question. C'est bien, il y a du progrès. Les sagittaires. Vos beaux-parents vous ont enfin accepté. Maintenant que vous allez manger chez eux, vous pouvez manger à table. Vous n'êtes plus obligé de manger dans le chien avec le garage. Dans le chien. Ouais, oui, ça va aller. Les capricornes. À chacun de vos anniversaires, votre belle-mère vous offre de la morora, toujours avec un petit sourire. Je pense qu'elle vous aime pas. Les Verseaux. Vous ne savez pas si vos parents vous aiment. En 5 ans, ils n'ont jamais voulu vous rencontrer. Et on termine avec les poissons. Vos beaux-parents vous adorent. Ils viennent de vous offrir un super cadeau, un voyage, un aller simple pour l'Afghanistan. C'est parce qu'ils veulent que vous alliez vous éclater. Il y a un peu de soleil, hein, c'est sympa aussi. il faut rester positif. Faut les aimer les chèvres. Et j'ai reçu un message de Gaëtan qui dit t'es pas une vraie zèbre, Audrey. Il y a Charleroi Bruges aujourd'hui. Bah, bien sûr, attends, moi j'y vais après l'émission, t'inquiète pas. Et hop, après 20h, bim, je descends à Charleroi. Je vais voir le Sporting de Charleroi. Aujourd'hui, il y a match. Et Bruges qui va gagner. Non, jamais de la vie, c'est le Charleroi. Justement. Pronostic, allez, vite fait. Allez, moi je suis pour Charleroi. Ah, c'est bien, Fab, t'es un homme bien. Oh. Sandro. Bah, je suis pour Charleroi. Ouais, mytho, la vérité. Non, pour Bruges. Pour Charleroi. Non, il a un t-shirt bleu, c'est bon, il est pour Bruges. Bruges. François du Standard. Ah, moi je suis à fond pour Charleroi. T'as lié joyeux. Bah, ouais, oh mais ça change rien. T'es un traître. Ça l'empêche pas d'avoir des goûts. Comment il ose faire ça? Écoutez-moi ça, tous les auditeurs de Liège, c'est un traître. C'est pour Charleroi. En fait. Ah, c'est ça. Tu iras loin, mon François. Allez, on se met le son de Feder. C'est bon, ça. Lord Lai qui arrive dans un instant. Et les 5 filles les plus sexy au monde. Les Fifth Harmony, je vous cale sur Fun Radio. Bougez pas. Le week-end, tous les DJ sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs. 20h, c'est Party Fun. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 3h du mat. Avec Afrojack, Liam Summer, Hardwell, Oliver Eldens et Henri PFR. Party Fun. Bienvenue dans le plus grand club de Belgique. 20h, 3h du mat. Sur Fun Radio. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, les fromages ne sentent pas mauvais. Ils ont du caractère. Sentez-moi ça. Quel caractère. Et puis quand on boit dans la publicité, on fait... Oui, parce que les boissons sont beaucoup plus désaltérantes. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous, vous êtes plutôt compte perso ou compte commun? Ah bah nous, on gère tout en commun. Ouais, ouais, enfin sauf la lessive, hein. Bon, compte perso, on a déjà assez de choses en commun. Ah, tu trouves? Ah, personnellement, je suis plutôt compte en commun. Ça t'arrange bien, hein? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois pour 3 comptes et jusqu'à 2 titulaires. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye, des plus récentes aux modèles de légende, à l'échelle 1/43e. Le numéro 2, la Citroën DS3 de Sébastien Loeb et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Tu as entre 17 et 29 ans? La sécurité routière te tient à cœur? Tu as envie de rejoindre l'équipe des Responsible Young Drivers? Tu désires participer à de nombreux événements pour changer les mentalités et au passage sauver des vies? Alors rejoins-nous vite sur ryd.be. ryd.be. Pour qu'on te présente toute l'équipe des bénévoles. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Show. down. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Super sexy à la fin des Fifth Harmony. Bah, elle aussi dans un autre genre, Sia, pas mal hein. Sia qui arrive côté son dance floor. Et aussi Lost Frequencies, c'est du belge. Qu'est-ce que t'as à rire toi encore, Fab? Je peux pas le dire à l'antre. Allez, t'es crade. Oui, il y a le buzz qui écoute alors. Ah oui, non, bah alors écoute, non, je ris parce que. Parce que c'est drôle. Je suis jovial. Oh, je suis de bonne humeur. On a Sean qui a envoyé une petite devinette. Ah, vas-y, attention. Sean Paul. Pourquoi est-ce que James Bond. Pardon? Attendez, pourquoi est-ce que James Bond? Parce qu'il James est un gros garçon, il fait ce qu'il veut. Non. Parce que c'est un agent secret. Non, parce que Maria caresse. Attendez, non. Il y en a une autre. Si. Ah. Attends. Si, franchement, ça vaut la peine. Ok. À votre avis, pourquoi est-ce que Mario Bros? Parce que n'amasse pas mousse. Non, parce que Mickey Mousse. Bien, moi ce que je vais faire, c'est que je vais y aller maintenant en fait. Ouais, je vais vous retarder, je vois que vous êtes partie dans un délire. Non, elle est toute seule. Faites vos trucs et. Qu'est-ce que ça me fait rire, les trucs? On s'appelle lundi, les petits loups. Non, allez, petits loups. Hé, les chéris, on s'appelle lundi. Bon, allez, blague à part, avant de se faire siller à la côte de son dance floor, on a un magnifique séjour à vous filer pour aller voir Disney, Mickey, tout ça, pendant la période d'Halloween. Alors, pendant toute la semaine, on vous a filé des places, ce qui est déjà un très beau cadeau. Mais là, on monte d'un cran, au-dessus c'est le soleil. Eh bah ouais, c'est carrément un séjour à Disneyland. Vous allez dormir dans un des hôtels Disney avec les entrées pour les deux jours aux deux parcs pour votre petite famille. C'est sympa ça, non, comme cadeau. Yalla, vas-y, fais péter le cadeau, vas-y, on envoie. Et plus de biais sur toi et toute ta famille. Bah, franchement, c'est un peu ça. Alors, pour repartir avec ce chouette cadeau, il va falloir essayer de me retrouver un personnage de Disney qu'on cherche. Attention, premier indice. Alors, c'est un méchant de Disney. Il a une grosse barbe, il a toujours un chapeau et il a des longs cheveux. Si vous avez une idée, Halloween par SMS au 6322, c'est ce qu'il faut envoyer avec la bonne réponse. Alors, répète quand même, parce que moi j'ai pas vu. Oh là là là. Alors, c'est un méchant, il a une grosse barbe, ouais. Il a un chapeau sur la tête et il a des longs cheveux. C'est trop vague. Une longue barbe. Un grand chapeau, des longs cheveux, des longs barbes. Le barbe normale, mais des longs trucs. Barbe normale, ça va toi tu. Mais je vois pas un méchant avec une barbe dans Disney. Est-ce qu'il y en a un? Attends, François du Standard, je suis sûr, il sait lui. C'est François, tu sais toi, un méchant avec une barbe dans Disney? Merci François. Merci, c'était donc l'intervention du nouveau stagiaire. On applaudit François. Bravo. C'est pas bien de réveiller des stagiaires comme ça. Mais c'est ça, le pauvre. Il était bien là, il était tranquillou et puis paf, je l'ai réveillé d'un coup. Bon, on a Sophie qui est là, qui vient de la Louvière. Elle va tenter sa chance. Bonjour ma Soso. Ça va Sophie? Ça va et toi? Bah écoute, nickel. Bon Sophie, on te rappelle l'indice. On cherche un méchant. Attention, si tu arrives à me donner la réponse comme ça, paf, du premier coup, tu repars avec un séjour pour Disney. On cherche un méchant avec une barbe plus ou moins normale, c'est ça? Taillée normale, voilà. Ouais, des longs cheveux et des longs cheveux chapeau. Et un grand chapeau. À ton avis, qui c'est? John Ratcliffe dans Pocahontas. Hein? John Ratcliffe, ah le beau gosse blond là. Non, le méchant. Le méchant, okay. Mais tu sais quoi, je vois même pas qui c'est le méchant dans Pocahontas. Par contre, Radcliffe, c'est pas Harry Potter ça? Daniel Radcliffe. Mais non, ouais. Mais n'a rien à voir. Bon, attends, okay. Est-ce que c'est le monsieur de méchant de, dans Pocahontas? Inconnu au bataillon. C'est pas ça? Non. Bon, bah ma Soso, je suis désolée, c'est pas la bonne réponse, ma chérie, tu retentes ta chance, d'accord? Ok. Je te fais des gros bisous, Sophie. Bonne soirée. Donc, ce n'est pas le méchant dans Pocahontas. Pocahontas. Alors, il y en a un qui m'envoie juste Halloween. Ça va pas suffire, les copains. Bien essayé. Mais il faut me donner la bonne réponse. On cherche un méchant avec une barbe, des longs cheveux, un grand chapeau. Si vous avez une idée, allez-y. Hein, c'est le moment que jamais. Halloween par SMS au 6322. C'est ce qu'il faut envoyer avec la bonne réponse. Bonne chance, tout le monde. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple. Bonjour, je voudrais acheter de la lingerie pour ma femme, je sais pas. Ah oui, bien sûr, monsieur, veuillez me suivre. Oui. Quelle est sa taille? Alors là, je vais vous montrer une de ses photos de profil, peut-être que ça va vous aider. Oui. Regardez là, on la voit bien en bikini dans le jardin, par exemple. Il est beau, votre jardin. Oui, mais pour ma femme... Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. Comme ça, vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin. Vous rapprochez de l'essentiel. Chérie? Oui. Regarde, j'ai encore acheté 12 chaises supplémentaires. Quoi? Tu trouves que c'est trop? Non. Mais enfin, 12 chaises, mais où est-ce qu'on va mettre ça, enfin? Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous, vous l'utilisez quand, votre carte de crédit? Nous, on n'en a pas. Heureusement, parce qu'elle a déjà assez de chaussures. Ah, ma carte de crédit, jamais. Ah, par contre, la sienne. Comment ça? Surtout en vacances. Ah ouais, à propos de vacances, tu devais pas m'inviter à Venise? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois, carte de crédit incluse, sous réserve d'acceptation de votre demande. BNP Paribas Fortis. La banque d'un monde qui change.

am the truth. Ay, I am the wisdom of the fallen. I'm the youth. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I failed twice before. My bounce back was special. Let downs will get you. If the critics will test you, but the stronger survive. Another scar may bless you. Radio, si vous venez de nous rejoindre, on est en direct 18h54 avec le son de Rihanna et Drake qui arrive dans un instant. Je vous ai calé aussi le nouveau Lost Frequencies qui arrive dans moins de 2 minutes. Et alors, je voulais féliciter Célia qui a gagné sur la page Facebook de l'émission Happy Hour avec Audrey son report en amoureux aujourd'hui. Ah oui, c'est aujourd'hui. Bah oui, le vendredi, c'est le jour du restaurant dans l'Happy Hour. Alors pour une fois, on s'est dit on va faire un plaisir aux auditeurs qui sont branchés aussi sur la page de l'émission. Si c'est pas encore fait, venez. Hein. Et vous likez la page. Tous les vendredis, ça se passe comme ça. Et vous allez pouvoir profiter d'un bon petit repas en amoureux. Et là, aujourd'hui, Célia, elle va se faire plaisir au restaurant Saint-Paul, c'est à Odor Game. Allez voir leur page Facebook Saint-Paul. Sérieux, les plats, ça donne trop envie, quoi. Oh, ils sont spécialisés en burgers. J'ai ils la dalle. Des burgers de malade. À table. Bon, juste avant de se faire le son de Lost Frequencies sur Fun Radio, je vous rappelle qu'on a un séjour aussi à vous filer pour aller voir Mickey à Disneyland Paris pendant la période d'Halloween. Alors, on cherche un méchant de Disney depuis tout à l'heure. Fab a donné un premier indice, qui était lequel? Alors, c'est un méchant, il a une barbe, un grand chapeau et des longs cheveux. Alors, on a vu plein de mauvaises réponses qui sont arrivées là au 6322. Du coup, ce qu'on va faire, on rajoute un indice. Bah, le mec, il est un peu comme Jamel Debbouze, tu vois, il n'y a plus qu'une main qui fonctionne. L'autre, elle pourrait servir de cintre. Voilà, je dirais que c'est sympa, toi. Mais t'es vraiment quelqu'un de gentil, toi. Mais non, mais tu comprenais. D'accord, voilà. Donc c'est un méchant qui a un grand chapeau, une barbe, les cheveux noirs, qui est un peu comme Jamel Debbouze, qui a un bras en moins, c'est ça? Ouais, il a la place. Ah, je sais! Ça sert de cintre. Ça sert de cintre. Il ne dit pas le nom! Il a un crochet, voilà. Bon, si vous avez une idée. Je vois toujours pas. Bon, allez, je l'ai dit, tu rigoles? Répète un peu. Bon non, c'est bon, t'as qu'à suivre. Non, tant pis. Moi, je suis sûr que les auditeurs. Ils ont la bonne réponse. Le gars, il a un truc à la place de la main. Oui. Et voilà quoi. Je voudrais pas être lui quand il va aux toilettes. T'as pas un petit indice musical? Ah bah si. Ah bah voilà. À la file indienne. Tadam tadam. Tidam. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien ce dessin animé. On cherche le méchant de ce dessin animé là, c'est qui? Halloween par SMS au 6322 avec la bonne réponse, c'est ce qu'il faut envoyer. On fera un tirage au sort, c'est promis, dans quelques minutes sur Fun Radio. Dans la deuxième partie de l'émission, il y aura plein de conneries, le cocu ou pas cocu. On va tester la fidélité de votre mec ou de votre copine, restez bien là. Ça c'est la suite du programme dans la POR. Avant ça, c'est parti, Lost Frequencies maintenant sur Fun. Bonne soirée tout le monde. Oh, I don't know why you're not there. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Don't hurt me, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. what is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Il est 19h, bienvenue sur Fun Radio. Si vous venez de nous rejoindre, il y aura le son de Rihanna et Drake. Dans un instant, ce sera juste après les infos avec Carlo. Bonjour Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Les travailleurs de la FNRSTEL sont en grève, non pas parce qu'ils sont vexés après les accusations de crimes de guerre portées contre la Wallonie, vu les armes vendues à l'Arabie Saoudite et qui servent notamment à massacrer des civils au Yémen. Des armes qui sont produites entre autres à la FN. Non, ce qui dérange les travailleurs, c'est qu'une partie de la production est externalisée aux États-Unis. Et pour eux, ça ne se justifie pas. Le boulot devrait reprendre lundi. Mais le personnel compte bien empêcher la direction d'entrer sur le site. Et j'en profite pour rappeler que les travailleurs d'ING, qui eux aussi ont quelques raisons de faire la gueule en ce moment, ont également déposé un préavis de grève. La commune de Forêt, synonyme de festivités en tout genre, avec son marché annuel, les médiévales de septembre, les locaux de Fun Radio, les concerts à Forêt Nationale et les ouvriers communaux font la nouba dans le cimetière. Et oui, on a droit à un petit scandale depuis qu'un de ses ouvriers, dégoûté par les agissements de ses collègues, a craché le morceau. C'est la DH qui rapporte les faits, publiant des photos prises entre septembre 2014 et mai dernier. On voit des ouvriers organiser des barbecues très arrosés dans le cimetière, des simulacres de pratiques sexuelles. On voit même un gars hilar exhiber un crâne chevelu. Le bourgmestre de Forêt, lui, l'est nettement moins. Hilar, parce que question cheveux, ça va. Il explique qu'une procédure disciplinaire a été lancée contre un membre du personnel communal qui est actuellement suspendu. Et d'expliquer que si de telles fêtes ont pu se dérouler en plein jour sans que personne ne s'en rende compte, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui va au cimetière aujourd'hui. Celui de Forêt étant par ailleurs situé à Alsem, à 5 bornes de la commune. Un gorille qui s'était enfui de son enclos du zoo de Londres hier a créé un petit moment de panique. La police a été appelée sur les lieux et les visiteurs ont été évacués vers l'intérieur des bâtiments. Ah bah oui, le monde à l'envers en quelque sorte. C'est les gens qui se sont retrouvés enfermés alors que le gorille était dehors. Ça me fait un petit peu penser à la chanson de Chantal Goya ce matin, « Un lapin a tué un chasseur ». Ah oui, c'est pas avec ça qu'elle risque de gagner un jour le Nobel de littérature non plus. Quoi qu'il en soit, Kumbuka, c'est le nom du gros primate, a été endormi via des fléchettes tranquillisantes et remis en prison ou dans sa cage, c'est pareil. Enfin, je vous parlais récemment de l'idée de Gianni Infantino, le nouveau président de la FIFA qui souhaite une Coupe du Monde de football à 48 équipes pour 2026. Et il n'a pas changé d'avis d'ailleurs, affirmant qu'une décision serait prise à ce sujet début 2017. La formule envisagée, c'est 16 qualifiés pour la phase de groupe. Les 32 autres, eux, devraient jouer un match de barrage, histoire de désigner les 16 derniers qualifiés. Notez que de tels barrages, ça existe déjà, hein, mais là, ce serait 3 jours avant le début du mondial, histoire qu'il y ait un max d'intensité et de suspense dès le départ. Fun Radio. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Dans un instant, on va savoir qui va repartir avec le séjour carrément en direction Disneyland Paris. On se fait ça juste après. La météo, Carlo, c'est quoi le programme pour ce week-end ?

Salut, ça va bien et vous? Bah écoute, ouais, ça va. Alors Julie, t'es là pour participer au Cocu ou pas Cocu. Alors je rappelle vite fait le principe pour les auditeurs qui viennent peut-être de rejoindre Fun Radio. En gros, on teste la fidélité d'une personne de votre entourage. Hein, si vous avez des doutes sur votre copain ou votre copine, on est là, on a un détective privé qui fait croire qu'il a des infos, qui sait que justement il y a tromperie et puis on voit un peu la réaction. Alors Julie, tu nous envoyais un petit message sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey parce que t'as des doutes sur ton chéri. Alors est-ce que tu veux bien expliquer ce qui se passe? Ah oui, bah voilà, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Ouais. Ça se passait super bien, etc. Mais depuis un petit temps, on est à la recherche d'un appart. Et en fait, depuis qu'on recherche notre appartement, il déserte complètement. Il est toujours en soirée avec son meilleur pote Marc. Et je ne vois plus, on s'éloigne à mort. Et je pense qu'en fait, il me rend cocu. Et j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Ça, c'est le stress de se mettre en ménage, ça. 6 mois, c'est beaucoup trop tôt pour habiter ensemble. Ah ouais? Ouais. Ah merde alors. Non, pourquoi oui? Pourquoi je dis oui, moi? Non, c'est 6 ans minimum. 6 ans, qui tu parles? Moi, ça fait même pas. Moins de 6 mois. Ça fait combien de temps avec ta copine? Oui, mais moi, c'est pas pareil. Non. Alors, on va pas se battre, d'accord? Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de durée. C'est juste si vous vous sentez bien, vous pouvez vous mettre en ménage et essayer. Alors, Julie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ton amoureux, d'accord? On va voir si, ou non, il te trompe. Si ça se trouve, il a juste besoin d'encore un peu s'amuser avec son pote, sans tromperie pour autant, d'accord, Julie? Donc, on stresse pas. On va appeler ton chéri, il s'appelle comment? J'appelle Quentin. D'accord. Eh ben écoute, on va appeler Quentin dans quelques petites minutes. On va savoir aussi qui va repartir avec ses places pour aller à Disneyland Paris. Un séjour carrément qu'on vous offre aujourd'hui. On rappelle vite fait les deux indices. Alors c'est un méchant de Disney, il a toujours un chapeau, une barbe, une longue chevelure. Il est comme Jamel Debbouze. Si vous avez une idée de la bonne réponse, vous envoyez Halloween par SMS au 6320. De bonne chance. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When you're close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. Bitches, lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Dance floor. Oh. Fire up the loud, and let the rocket shot. Turn Fun Radio. On est avec vous jusqu'à 20h avec le son de The Weeknd et des Daft Punk qui arrive dans un instant. Il y aura aussi le nouveau Showtech, c'est le featuring avec Major Lazer. C'est ce qui arrive côté son dance floor. Avant ça, on va faire le point sur les petits messages qu'on a reçus pour repartir avec un séjour direction Disneyland Paris. Vous allez aller faire dodo dans un des hôtels Disney. Oh, c'est trop bien ça. 2 jours carrément sur place dans la maison de Mickey. Vous allez pouvoir aller au parc Disney, au parc studio, aller voir les hôtels. Bref, c'est génial. Hein. Franchement, c'est un super beau cadeau qu'on vous offre aujourd'hui. Alors, on rappelle qu'on cherche un personnage Disney aujourd'hui, un méchant. C'est un méchant. Il a toujours une longue barbe, un chapeau, des longs cheveux. Le mec, c'est un peu comme Jamel Debbouze, au fait. Tu vois, il a plus qu'un bras qui fonctionne. L'autre main, elle peut servir de cintre. Allez, c'est simple. Quoi. Le mec qui compare ça à Jamel Debbouze, c'est vraiment une enflure, mon vieux. C'est très sympa, je trouve. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a reçu des messages. Mais comment vous dire, à côté de la plaque. Hein. Alors, je vous dis, juste pour rire quand même, la reine de la Blanche des Neiges. Oh, de la Blanche des Neiges. C'est écrit comme ça. C'est pas moi qui. C'est écrit comme ça. Dumbo, les gars, à un moment donné. Dumbo. Ouais. C'est un méchant Dumbo. Ben non, en plus, c'est ça, je comprends pas. Alors Jafar nous envoyait ça, c'était pour hier. C'était hier, des amis. On cherchait Jafar hier, mais c'est pas lui qu'on cherche aujourd'hui. Alors, comme je vois que vous galérez, et je sais que vous rêvez d'aller faire dodo chez Mickey, je comprends. Voilà. Mais alors, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va filer un max d'indices maintenant. C'est l'unique chance de pouvoir vous inscrire. C'est la toute dernière. Attention, Fab, donne bah, tout ce que t'as, vieux. Le dernier indice, le mec qui vit sur un bateau, c'est un pirate. Et son pire ennemi, c'est la fée Clochette et Peter Pan. Mmh, ah oui, ouais, là, c'est facile quand c'est même. Facile. Là, tu donnes presque. Et alors, moi j'en donnais en plus, il a méga peur d'un certain crocodile. Exactement. Et il a toujours. Le crocodile, il a avalé un réveil. Et donc, t'entends quand il arrive. Et t'as là. Qui a super peur, voilà, je peux pas dire la réponse. Et moi je donne un indice. Ah, à la ville indienne. Oh, qu'est-ce que j'adore ce dessin animé. Il est kiffant, non? C'est facile quand même. Oh, j'ai toujours rêvé d'être comme la fée Clochette. Mais non. C'est-à-dire avoir des ailes ou être mince? Être mince. C'est pas grave. De toute façon, c'est que dans les dessins animés que ça se passe comme ça. Bon, si vous avez une idée de la bonne réponse, attention, on se fait le son de The Weeknd et des Daft Punk. Il y aura Showtech et Major Lazer. Juste après, je dis bien juste après, on fait le tirage au sort. Si vous avez une idée de la bonne réponse, allez-y. Vous envoyez maman Halloween par SMS au 6322 avec le méchant de Disney qu'on cherche. Bonne chance tout le monde. Et juste après, c'est le cocu ou pas cocu. Comment? Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List. Yann sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Du lundi au vendredi à 18h10, c'est Plug Music Battle. Hello à tous, c'est reparti pour de nouvelles battles sur Plug. Choisissez le clip que vous souhaitez voir parmi des battles de chanteurs et groupes 100% belges. Je vous proposerai donc 6 battles 100% belges et ce sera à vous de voter. Plug Music Battle, c'est nouveau et c'est du lundi au vendredi à 18h10 sur Plug RTL. Le Plug RTL. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, avec cette météo, je sais plus quoi mettre, moi. Ah, je connais un endroit où il pleut jamais et il fait toujours 22 degrés. Ah bon? Oui, et maintenant, tu as jusqu'à 50% de réduction. C'est où? Dans un magasin CA. Maintenant, chez CA, jusqu'à 50% de réduction sur une partie de la collection. CA. Make some noise. City Parade présente We Love Retro House XXL. Jeudi 10 novembre, veille de jour férié. Palais 12, Bruxelles Expo. Rev Masters, Westbam, Marusha, Joël Beltram, Jam & Spoon, Kenichi, Jacques de Marseille, Miss Jax, Furax, Yuri Parker, Frankie Jones. We Love Retro House XXL. Jeudi 10 novembre, Palais 12, Bruxelles Expo. Info et tickets, cityparade.be. Avec Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Oh

centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you got. Tech. Yo, this is Major Lazer. Nouveau tube Fun Radio. Beaver. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son dance floor. Le grand gagnant du séjour pour Disneyland Paris. On va se faire le son de Zao avec MHD dans un instant sur Fun Radio. Tout ça, c'est ce qui arrive juste après le cocu ou pas cocu. Parti, tout. Chérie, je n'aime que toi, Nutella. Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'on va voir dans le cocu pas cocu sur Fun. Hey, je me suis crié sur un ring de boxe, tu vois. T'as cru que c'était des épisodes genre. Non, mais je voulais faire comme des jeux vidéo, tu vois. Je... Party. tout. Ouais, un mot en français, un mot en anglais. Party two. Ouais. Bah, comment tu dis? Ah oui, round two. Merde. Round two, second round. J'y étais presque, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'ai fait une tentative, oui, ça va? On t'expliquera les choses. C'est gentil. Bon, si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio, on n'est pas là pour faire un cours d'anglais, mais pour tester la fidélité de Quentin. Quentin, c'est le chéri de Julie qui a fait appel à l'équipe sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Elle a des doutes hein, sur lui. Bon, ils doivent prendre un appart, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble et maintenant le gars, ça y est, il pète un câble, il est en sortie tout le temps avec un de ses meilleurs potes. C'est bien ça, ma Juju, hein, je résume bien. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Bon, alors, ma Julie, tu voulais qu'on appelle ton amoureux Quentin. Fab va se faire passer maintenant pour un détective privé. Tu vas lui faire croire quoi, Fab? Je vais lui faire croire que je l'ai suivi depuis quelques jours, que j'ai des photos de lui, que je sais qu'il emboîte avec son meilleur ami Marc tous les week-ends. Et qu'il y a des meufs et tout. Ouais, c'est bien ça. En boîte, il y a toujours des meufs. Hein. Ouais, parfait. On va lui faire croire ça. Maintenant, c'est parti. On appelle Quentin, Fab. C'est à toi de jouer. Sois bon. Allô? Quentin? Ouais, c'est bien ça, c'est Quentin. Oui, bonjour. Je t'appelle de la part de Julie. Je suis détective privé. Détective privé, de la part de Julie, c'est quoi cette connerie? Elle a fait appel à moi pour que je mène ma petite enquête. Ah, non, enfin, c'est quoi, une enquête à propos de quoi? À propos de toi. Bah, pourquoi? Parce que, apparemment, ces derniers temps, tu sors beaucoup plus souvent avec ton ami Marc plutôt que d'aller chercher un appartement. Je m'en fous, je peux pas avec mon pote si tu veux. Oui, bien sûr, je sais ce que tu fais ce que tu veux, mais ta copine. En l'occurrence, Julie se pose des questions. Donc, elle a fait appel à mes services. Elle m'a demandé de te surveiller un petit peu ce que j'ai fait. Et j'ai vu que c'est les derniers week-ends, tu étais avec ton copain Marc en boîte, plusieurs reprises, pas mal de nanas autour de vous. Alors. Bah ouais, en boîte, quoi, c'est normal, quoi. Je mangeais avec mon pote et on sortait. C'est bon. Pas le souci. Et puis, presque, elle a fait appel à vous. Mais parce qu'elle te fait pas confiance. Et elle a bien raison. Parce que moi, elle a fait appel à. Quand est-ce qu'elle a fait appel à toi et d'où tu me suivais, en fait? Non, mais ça, c'est privé, c'est entre ma cliente et moi. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que j'ai pas mal de photos de toi avec des nanas en boîte et ton copain. Alors, ouais, ce que je l'ai dit, ça. J'ai dit qu'on cache de temps en temps en boîte avec Marc. Alors, ce que je peux faire, moi, je les mets dans le dossier. Et puis, je les donne à Julie et ce sera super dans votre nouvel appartement. OK? Juste en dessous du mot mon mec me trompe. Ou alors, toi et moi, on peut s'arranger. Et tu me donnes le double de ce que m'a donné Julie. Et puis, je déchire le dossier, les photos. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non. C'est pas ce que je fais. T'es en train de faire du chantage, en gros. Concrètement, je fais du chantage pour faire genre comme quoi tu fermes ta gueule et tout ça. Voilà, parce que quand on trompe sa copine, on n'est pas en position de force. T'es complètement con, elle a ton adresse, elle a ton nom et tout ça, et tu me fais du chantage comme ça. Bah oui. On va te retrouver. Bon, ça c'est pas un problème. J'ai pas trompé ma meuf. Ça c'est pas. Mais tu peux aller en taux là pour ces conneries comme ça, putain, je sais pas, je suppose que t'as une déontologie avec ton emploi et tout ça, tu te fous de moi ou quoi? Là, tu me fais du chantage ainsi? Ça, c'est mon problème. Mais t'inquiète pas que moi, je suis pas tout seul dans mon bureau et j'ai d'autres détectives qui travaillent avec moi. J'ai pas peur que tu me retrouves. Je m'en bats les couilles. Tu peux ramener tous tes potes et tout ça, mec. Tu me fais pas du chantage comme ça. Je te fais pas de chantage. Je t'offre une échappatoire. Soit je donne le dossier à ta meuf, elle voit qu'elle est cocu, elle te quitte et c'est fini pour toi. Soit tu me donnes un petit quelque chose et ça reste entre nous. Putain, mec, tu t'imagines même pas. Je suis tranquille dans mon appart, je suis en train de chiller à me mater un petit film et là, il y a un connard qui m'avoue qu'il me suit depuis quelques semaines. Et puis qui essaie de me soutirer des thunes. Mais mec, tu t'imagines. Bon, elle vaut combien, putain, ta copine? Elle vaut combien? 300-400 euros? Allez, je vais pas te payer, je vais pas te tromper. Je fais bien ce que je fais. Tu peux balancer toutes les photos du monde, à moins que tu sois le dieu du Photoshop, espèce de toqueur qui m'étonnerait. Y a pas moi qui ai des preuves. Je vais pas te tromper. Le dieu du c'est Photoshop. C'est la meilleure vanne de toute la terre. Quentin, bonjour, t'es en direct sur Fun Radio. C'est Audrey dans la pioire. Quentin, respire, calme-toi. C'est moi, les gars. Tu viens de me menacer devant toute la Belgique quand même. Hey, je vais te retrouver, je t'en adresse. Et Quentin, franchement. Les couilles, les gars, bordel. Attends, trop drôle quand il t'a dit à moi que t'es le roi du Photoshop, tocard. J'ai même pas téléchargé un film. Oh là là, mon Quentin, écoute. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça se termine bien. En fait, Julie, vraiment, elle avait des doutes sur toi. Elle a fait appel à l'équipe, elle voulait qu'on te teste dans l'émission. Tu t'en sors bien, Quentin. Voilà, donc j'espère que c'est vrai, que tu l'as pas trompé. Putain, elle tout de suite, elle va t'en parler, je sais pas, elle peut faire un peu plus confiance. Ah bah si tu veux lui parler, elle est là. Ça tombe bien. Voilà. On te la passe. On te la passe. Julie, je te laisse avec Quentin, hein. Tu te démerdes maintenant. Hein. Je suis contente d'apprendre que tu me prends pas, mais je suis quand même sceptique et je me demande pourquoi tu sors tout le temps comme ça. Mais c'est pas possible, ça. Ça me met mal. Mais Julie, on vient. Comme si moi, qu'on aurait pu me le dire directement, t'as besoin de passer comme ça à la radio, ça me balader et tout ça. Bah, évidemment, juste en temps en temps. Je suis pas, mais tu me dis toujours, tu prends toujours ça. Attends, Julie, deux secondes. Quentin, pourquoi est-ce que d'un coup comme ça, maintenant que vous avez le projet de vous mettre en ménage, tu commences à sortir dans tous les sens avec ton pote? Bah, je sais pas, c'est ça fait peur. Ça. Je le savais, J'aime bien et tout ça, mais. T'as peur d'être avec moi ensemble et emménager dans un appart comme ça, c'est. Bah alors, Quentin! C'est énorme, ça. Ouais, mais alors il fallait que tu me le dises directement. Ah, bah oui! Ah, bah ça, c'est. Ça avec moi, et du coup, ça ne posait pas de problème. Bah, c'est bien que ça fait des années qu'on se connaît, pour ça, je lui parlais de temps en temps, évidemment, il est toujours chopicolé, lui, et. J'ai jamais noir. Ouais, mais attends, mais bon, ça... attends, parce que Quentin, c'est ouf ça. Donc, t'acceptes de prendre un appart avec elle, et puis après, tu dis, ouais, mais ça me fait peur, c'est vite. Et il fallait peut-être réfléchir à ce truc non, avant. Mais tous les mecs ont peur, c'est normal, mais c'est l'engagement. Elle m'a proposé l'appart comme ça, brut pour point, et. À brut pour point. Oulala, lalalilalou. Je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Bref, il fait des mots scientifiques. D'accord. Non, mais Quentin, on est d'accord que t'es toujours partant pour le projet quand même de prendre un appart avec Julie. Bien sûr, évidemment. Ah, ouf, non, il m'a fait peur. On en parlait tout ça, mais. Ça me fait un petit peu peur, quoi. Mais je pense que Quentin, il a juste peur d'être casanier, en fait, de rester toutes ses soirées mais devant non, la télé avec sa copine. Mais non, tu vas t'amuser différemment. Pas, moi, quand, chaque fois que des gens me disent qu'en quoi ils ont ménagé ensemble en couple, ils deviennent chiants et aigris. Mais ça, non, moi, mais si, regarde Audrey. Ça va t'arriver. Mais non, mais Quentin, il faut que tu testes l'expérience et puis après tu verras bien. Et d'accord. Puis tu la vires, c'est pas grave. Hein. Bah si ça va pas, au pire, oui, c'est toujours possible, hein, ça. Bon, les amoureux, là, on se calme, on prend une grande respiration, tout va bien se passer, d'accord. On vous fait des gros bisous et on est content que ça se passe bien pour une fois, franchement. Quentin, Julie, on vous fait des gros gros bisous à tous les deux. Et Julie, arrête un peu d'être trop jalouse comme salut. Ça, dit. Respire, pète à coup. Si vous aussi voulez tester votre copain, votre copine, vous avez un petit doute, bah c'est simple, hein, vous nous envoyez un petit message sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Et la voici Zao et MHD sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Dans mon coin ici l'ambiance est bonne. Non tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillé. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent, carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. Laissez-les Kouma. petites minutes, c'est Party Fun qui débarque sur Fun Radio avec tous les plus grands DJ de la planète qui seront là. On va se faire le son de Kygo pour aller jusque Party Fun. Avant ça, c'est parti les gars, ça y est. Wouhou, je suis excitée comme une petite puce. On va savoir qui va repartir avec son séjour pour aller voir Mickey. Ah, non, on passe juste des places. Non, non, non. L'hôtel et tout. Ouais, la totale. Vous allez dormir carrément dans le royaume de Disney, s'il vous plaît. Dans un des hôtels de Mickey, avec des places pour les deux jours, avec les entrées pour Disney, le parc studio aussi. Bref, la totale en mode VIP. Vous allez te chouchouter, les copains. Hein. Bon, alors, depuis tout à l'heure, on cherche un personnage Disney, un méchant. On rappelle vite fait les indices. Alors, il a une grosse barbe, un chapeau et des longs cheveux. Il est un peu comme Jamel Debbouze, le mec. Hein. Il a qu'une main qui fonctionne et l'autre pourrait servir de cintre, au fait. Tu vois, je voudrais pas être lui quand il doit se moucher ou se torcher les fesses. Il vit sur un bateau, c'est un pirate et il déteste Peter Pan et la fée Clochette. Ben ouais, on a donné. Là, franchement, si vous trouvez pas, on peut plus rien faire, quoi. Je vous ai même dit qu'il y avait un crocodile aussi qui avait avalé un réveil. Et à chaque fois, ça fait. Et il lui a mangé sa main. Ouais, ah bah ouais, ah. Du coup, ok, et eh ben il a très peur de du méchant crocodile. Et comment t'as refait on a failli avoir la réponse. Bah, je vais pas la donner. Je fais des efforts, faut que je me contrôle, vous savez, pour pas la balancer sans faire exprès. Alors c'est parti, on fait sonner chez quelqu'un qui a envoyé Halloween par SMS au 6322. Si on me file la bonne réponse, eh ben c'est bon, le séjour, il est gagné. Avant ça, il faut décrocher. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Mais c'est qui est là? C'est Karine. Karine, Karine, tu as quel âge? Tu viens d'où? Je viens de Fleurus et j'ai 46 ans. Et 46 ans de Fleurus. T'as passé l'âge d'aller chez Disney, hein, ouais. Il me semble. Et alors, Karine, est-ce que t'as des petits bouts? Non, non, j'ai mes enfants qui sont là, voilà. Qui ont envie, eux. Oh, bah oui, trop mignon. T'en as combien, ma Karine? Oh, j'en ai 12. J'ai deux enfants. Oh, je suis mignon, ils ont quel âge? Ouais, j'ai déjà une ado qui a 20 ans. Ouais. Et le gamin, il a 16 ans, mais il n'a jamais été à Disney. Donc c'est l'occasion pour lui. Oh, ce serait trop cool. Bon, vous alors, ma Karine. Vous avez remarqué qu'elle a une ado de 20 ans et un gamin qui a 16 ans. Ouais. Le gamin, tu l'as moins. Toujours des fissons à sa maman. Voilà. Oh, et bah dis donc, il y a du favoritisme par là, Karine. Attention, hein. Non, mais. Non, non, non, elle le sait bien. Bon, alors, Karine, tu vas peut-être pouvoir leur faire plaisir et les emmener à Disneyland Paris dans de bonnes conditions, s'il vous plaît. Avec l'hôtel, les places pour les deux parcs, les deux jours, bref, oh, la totale. Ça serait génial, ça, ouais. Ça serait vraiment le pied. Tu m'étonnes. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui ont joué, donc dis-toi que t'as déjà une chance de cocu d'être là, hein, Karine. Ouais, je t'ai suivi régulièrement toute la semaine. Hein. Parfait. Alors attention, ma Karine, on cherche un personnage, dis-moi. Un méchant de Disney. On te donne les indices, mm-hmm. On les redonne une dernière fois, tu me donnes ta réponse après, d'accord? C'est parti. Alors, okay. Il a une grosse barbe, il a toujours un chapeau, il a des longs cheveux. Et le mec, il est un peu comme Jamel Debbouze, tu vois, il a plus qu'une main qui fonctionne et l'autre, ça pourrait servir de cintre, au fait. Il vit sur un bateau, c'est un pirate, il déteste Peter Pan et la fée Clochette. Alors, Karine, à ton avis, c'est qui le méchant de Disney? Un pirate, un méchant, les filles, aidez-moi, un pirate, un méchant. Capitaine Crochet. Capitaine Crochet. Oui. Bravo. Mais juste petite question. Je vais dire merci à mes collègues aussi qui sont avec moi. Ah bah voilà. Mais comment ça se fait que tu connais pas le nom de Capitaine Crochet? Non, dans l'émotion là, j'ai perdu les pédales. Et en même temps, c'est pas grave. Quand tu la juges, ah ouais. Et pourquoi tu connais pas? J'ai trouvé ta phare, j'ai trouvé tous les autres. Ah c'est vrai, c'est vrai. Bravo, ma Karine, on t'applaudit. Bravo, t'applaudis bien fort. Merci, super, merci Fun Radio. Karine, tu ne raccroches pas. Super. J'ai failli t'appeler Caroline, je ne sais pas pourquoi. Karine, on va reprendre tes coordonnées hors antenne, d'accord? Et puis comme ça, à toi ton petit séjour à Disney. Et on demande juste un truc en échange. Tu nous mettras des petites photos sur la page de l'émission, et puis on avec Audrey, hein, d'accord? Sans problème, sans problème. Gros bisous, je ma Karine. Bisous, bisous. Et tu sais faire un bisou à Minou pour de moi, s'il te plaît? Le monsieur. Bisous, hein. À Minou, oui, sans problème. Il tente des choses, non, c'est pas grave, ça va aller. Voilà. Et son numéro aussi, s'il te plaît. Voilà, merci. Parfait, on fait comme ça. Karine, gros bisous. Passe une bonne soirée, tu reviens quand tu veux dans la POR. Rassurez-vous, pour tous ceux qui n'ont pas gagné, aujourd'hui, on aura encore du beau cadeau la semaine prochaine pour vous. Hein. Un petit conseil, franchement, soyez là lundi à partir de 17h. Ça va déchirer sa race, comme on dit. Bon, et à partir de 20h, c'est Party Fun qui débarque sur Fun Radio avec tous les plus grands DJ qui seront de la partie. Pour aller jusque-là, je vous ai calé le son de Kygo sur Fun Radio. Il y aura aussi Soprano en feu, Soprano Baba, qui sera avec nous, hein, dans la POR le 21 octobre. Yeah. Notez bien la date, ça va être de la folie. Et voici Kygo, comme promis, sur Fun Radio. Welcome tout le monde. Like a kid and a teddy bear, like a leaf blowing in the air. Could you carry me? Could you carry me? Like a flag after a war, when you're gone and when you're first born. Could you carry me? Could you carry me? Cause I don't know how we got so far, you and

something inside me's changed. I was so much younger yesterday. P-A-R-T-Y-F-F-U-N. Bienvenue dans le plus grand club de Belgique. Allez, bonsoir tout le monde, ça y est, les bienvenus sur Fun Radio, c'est Oli, très content de vous retrouver. On démarre maintenant le week-end ensemble avec Party Fun et les plus grands DJ qui vont prendre le contrôle toute la soirée. Il y aura tout à